7.22. Activation, dissimulation auditive. Interrogation et intonation. Écoutez et indiquez si les phrases que vous entendez sont déclaratives ou interrogatives. Notez que l'interrogation est marquée seulement par l'intonation. Cochez la case appropriée. 1. Vous avez des amis. 2. Vous avez des amis? 3. Nous allons apprendre le français. 4. Nous allons inventer une histoire? 5. Ça va être utile. 6. Ça va être amusant. 7. Ça va être un jeu? 8. C'est ça. 9. C'est Mireille? 10. Elle est blonde? 11. Elle a deux sœurs. 12. Elle n'a pas de frère?